laisse-moi te parler de celle qui trouble mes pensées. C'est une beauté empoisonnée, et c'est elle qui m'a piqué. Le genre de fille qui vous attire avec un malicieux sourire, qui à lui seul semble vous dire que vous êtes sous son empire. Je suis prisonnier de sa toile et rien ne pourra me sauver. Je suis une proie idéale qui ne fait rien pour s'échapper. Cette femme, elle est la cause de mon tourment. Elle est le soufre qui m'enflamme. Ne reste donc pas sous le vent. Je sais qu'elle est source d'ennui, qu'elle ne m'apporte rien de bon. Ce sont les forces de la nuit qui veulent emporter ma raison. Je suis prisonnier de sa toile. Comme attiré par une étoile, tout me destine à succomber. Cette liaison me sera fatale, mais c'est une fin qui me plaît. Et pourtant, si seulement elle voulait pour un moment être à moi, rien qu'un jour, rien qu'une heure. Échapper.